petit matin, c'est étrange. Ah, en tout cas, laissez-moi vous dire une affaire. C'est que Camille, en tout cas, avec ses lunettes, elle s'est fait rentrer dans une case. Ici, Carl le 4 charrette. Vous écoutez Radio Enfer. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Moi, là, pour le show de ce soir, là, j'ai décidé d'amener, pour le plus grand bonheur d'à peu près tous, un remix de différentes soundtracks de différents systèmes qui s'appelle Clockwork Remix, qu'on peut trouver au titre éponyme.com. Voilà, c'est très très bon, c'est plein de jeux vidéo. Là, on commence avec Bubble Bubble. Israël, 70%. 70%, c'est notre émission? Ben, certain, man. C'est quoi tu vas faire à soir, toi? Ben, à soir, j'ai quelque chose de très folichon à annoncer. Tu sais, vous savez c'est quoi les films folichons, hein? C'est comme les navigateurs des ménages ou l'école de ski s'en va en l'air. Ben, à soir, on fait l'émission folichonne, puis on la fait en bidet. Ben ouais, ça vient vraiment de nulle part. Là. On est décidé... tous en bidet dans le studio. Oui, on a décidé, là, exactement 5 minutes de faire le show en bidet pour le plus grand plaisir de personne. De tous nos aisos, de tous nos spectateurs. Et voilà, on a même Zombie qui décompose en bédaine. Et voilà, Zombie qui est là avec nous ce soir. Puis on va commencer avec une toune. C'est quoi? C'est les Connards à l'orange. Ouais, les Connards à l'orange. Ouais, on va commencer avec ça tout de suite. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite, qu'est-ce que j'ai sur le cœur. Ben, vas-y, man. J'étais parti en tournée, comme vous le savez tous peut-être, les trois derniers jours. Puis je recommence dans pas long. Puis c'était avec les Connards à l'orange. Puis là... Tu sais, des fois, dans la vie, il y a des amitiés qui commencent. Puis là, là, c'est beau, là. Là, tu as le goût de te faire tatouer le nom de tout le monde de l'autre groupe sur le cœur. Tu sais, t'as le goût de partager tous les beaux moments avec eux autres. Fait que c'est mes codes. Tu sais, quand t'as des nouveaux amis, c'est le même. C'est comme, des nouveaux amis, c'est comme une nouvelle blonde, tu sais. Ouais. C'est pareil. C'est touchant. Fait que là, c'est ça, j'ai envie de leur dire que je les aime, puis on va mettre une de leurs chansons, puis c'est ça. Puis ça va sûrement pas durer longtemps. Ouais. Les Connards à l'orange, voilà. Tu vois, le zombie qui manifeste ses instruments gastriques, c'est 4 sur 5, la toune. Ah ouais, elle parle de partir à l'appartement, puis de fumer du pot, puis c'est pour ça que je trouve ça bien drôle. Une dose de vraie valeur, c'est ça, tu chantais tantôt sur le chemin. Oui. Ouais. Hey, moi, peut-être les Connards à l'orange. Non, je vais en parler avant. Après, en fait. Après, t'as fait ta belle présentation, on part. C'est un show de 70% à fond, là. Ouais. Je déménage dedans. Ben non, c'est pas pour le party, c'est On est de retour en studio. Moi, vendredi soir passé, j'ai vu pour la première fois de mon histoire Bruno, notre lecteur de nouvelles, qui vient de nous rejoindre, qui est en Bédène pour rien aussi. C'est important de le préciser. Pour rien, là, vraiment. Pour rien, c'est ça qui est beau. Et puis, c'est ça, je disais ça à Frank, le chanteur des Canards à l'Orange. Moi, dans toute ma carrière de Dungeon Master, là, de DM, là, à toutes les fois que le monde y mangeait à quelque part, je disais c'est du Canard à l'Orange. Parce qu'on s'en fout un petit peu, dans le fond, tu sais, de c'est quoi, tu sais. Fait que là, je leur ai donné du Canard à l'Orange toute leur carrière de joueur, tous ceux qui ont joué dans mes quests. Et voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Ouais, on s'excuse un peu, ouais, c'est vrai que ça tire en longueur. C'est Chewbacca qui en fait qui demande c'était quoi la marde de ce soir, j'ai oublié d'en parler. Le film de ce soir, c'est bien sûr Carnosaur, l'excellent Carnosaur. Ça a été voté au douteux.qc.cx. Carnosaur, qui est un film de 1993 qui a été réalisé par Adam Simon et Darren Maloney. Ça n'en prenait pas l'autre. Je sais pas, man. C'est spécial. Je suis en train de pas prendre les bons micros, moi. Ben. OK, il y en a un qui traîne. Parle dedans, Isaël. Hey, man! OK, c'est ça. On comprend tranquillement. Bruno? Allô? Ah, il me semblait que je m'entendais loin. Moi aussi, j'ai trouvé ça moche pendant un temps. Sinon, je reviens à Madame, Monsieur Adam Simon et Madame Darren Maloney. Produit par Mike Elliott. C'est distribué par New Horizon. Il y a personne qui en a rien à faire de ce que je suis en train de dire. C'est ça qui est merveilleux. Là, vous allez voir si vous reconnaissez un acteur. C'est en 93, OK? Diane Ladd, Raphael Sbarge, Jennifer Renayan, Harrison Page, Ned Bellamy, Clint Howard, Frank Novak. Clint Howard? Ouais. C'est le frère de Ron? Pour vrai? Ouais. C'est vrai? Ben, en tout cas, si c'est le même, ça s'écrit, c'est lui, puis c'est le frère de Ron. Mais en tout cas, c'est un nom de famille, puis on va faire des recherches d'ici la fin de l'émission, n'est-ce pas? Sinon, ben, c'est un film, je vais appeler ça USA Horreur à Rabais. Dans Jurassic Park, là, je vous lis la notice de l'encyclopédie, je l'aime bien. Dans Jurassic Park, ils ont tiré des dinosaures d'œufs de grenouille et d'ADN contenus dans un maringouin. Conservé dans de l'ambre. Dans Carnosaur, ils ont tiré des dinosaures de poules et d'ADN prélevés sur un site archéologique. Dans Jurassic Park, de nombreuses races de dinosaures étaient illustrées de magnifiques et révolutionnaires façons grâce au logiciel québécois Softimage. Dans Carnosaur, le seul dinosaure est en rubber et animé par un Gilles franchement inapte, je vous le jure. Dans Jurassic Park, les gens meurent dans un ordre prédéterminé par le waspisme. Dans Carnosaur, c'est la même chose, mais on s'en contrefiche encore plus. C'est un film qui est vraiment à voir, surtout pour l'ignominie gratuite de la méchante et puis les effets très, très, très spéciaux. J'aimerais tout de suite vous plonger dans le contexte parce que je viens de parler de l'ignominie de la méchante. Vous allez comprendre, elle est ignome. La vie, en tout cas, voilà. Bon, on va en reparler d'ailleurs de la méchante. Le docteur Tritri a commencé ses recherches dans les années 60 sur une alternative génétique aux pesticides agricoles. Pour sa thèse au doctorat, elle a fait éliminer cette bestiole que j'ai sous les yeux et a permis de faire disparaître une sous-espèce entière de la surface de la Terre. Du jour au lendemain, elle est devenue, pour certains, un vrai héros et pour les autres, l'ennemi public numéro un. À un moment ou à un autre, le docteur Tritri a été en relation avec les entreprises que vous dirigez. Elle semble avoir disparu. Programme fédéral de recherche scientifique. Cellules contaminées 0%. Heure H moins 72 heures. Je sais qu'elle ne reçoit pas de subventions fédérales. Je me rappelle de ça. C'est mais j'ai l'intention de savoir qui l'emploie. Elle travaille. Tu tentes de le voir, le dinosaure, puis t'es tellement déçu. Mais c'est là, c'est pour ça. Le faire dans la discrétion. Puis il y en a beaucoup des séquences comme ça. Là, on comprend, ils sont en train, en fait, tranquillement, pas vite, de mousser la personnalité du docteur. Le docteur qui est bien mystérieux dans les années 60, elle a fait disparaître une complète sous-espèce. Ça peut créer une espèce de dilemme moral. Là, ça reste au niveau de maringouin, tu sais, qui détruisait des cultures. Mais si ça devenait autre chose que des maringouins? Bruno, une nouvelle? OK. J'aurais un petit message d'intérêt public que j'ai pas pu faire tout à l'heure, en fait. Nous regrettons d'annoncer que, dû à des circonstances imprévues, le magazine astrologique a cessé sa publication en décembre dernier. Oh non. Hey, là-dessus, je vais partir de ma deuxième séquence d'extrait. C'est pas beau. Merci, Bruno. Là, on va aller plus loin et comprendre à quel point le docteur est méchant. Je veux l'avoir d'une alimentation Nevada. Cellules contaminées, 40%. Heure H, moins 36. Il y a encore, là, ça nous plague tout l'autre film. Dites-moi de me recevoir ou je préviens les autorités et la presse. Je n'hésiterai pas. Le docteur Triptree va vous recevoir, monsieur. Jess, je suis tellement, tellement navrée. Où êtes-vous? Oh, allez-y, mettez-vous en colère, car vous avez le droit d'exprimer cette colère. Ça vous fera du bien. Là, on voit pas les images. Je vais vous expliquer grossièrement ce qui est en train d'arriver. C'est que, dans le fond, le propriétaire de l'entreprise qui engage le professeur qui a fait disparaître une complète sous-espèce est en train d'aller voir où en est rendu son investissement. Puis, ben, il se rend compte que, dans le fond, le contrôle est perdu un petit peu. Fait que là, il exige de voir le résultat des expériences. La docteure, elle, on a compris qu'elle était méchante. Elle est méchante. Nous voulions d'abord en être vraiment certains. Donc, là, elle est en train d'être démagogue en envoyant un gars dans l'antre de la bête qui est le poulet géant gonflé aux hormones de dinosaures découvertes sur un site archéologique qui lui ont permis de devenir un dinosaure gigantesque en très peu de temps. Donc, on va suivre l'évolution du personnage ici, c'est fabuleux. Bien sûr, Jess. Jen! Jenny! Là, il est dans le tunnel. C'est un tunnel qui l'amène vers sa mort certaine. Programmé par la bosse des méchants. Manipulatrice, Alexei. Je l'ai eu! La crise de tiers de SPCA! Drette ça, man! Ben, je comprends, zombie, ton point de vue, toi, d'éradiquer une race entière pour en créer une autre nouvelle, meilleure. Je le comprends. Pas de misère. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on t'invite chaque soir aussi. Peut-être Chewbacca. Regarde que sommes-nous, en fait. À part un certain nombre de données génétiques. Ah, il est tout le temps choqué, Chewbacca. Pendant ce temps-là, le docteur est encore dans le tunnel. Votre fille vous soit rendue. Mais vous pouvez contribuer à l'avènement de la prochaine génération. C'est ça, c'est une espèce de cage au laser. Parce que c'était après Jurassic Park. Tu sais, dans Jurassic Park, c'était une cage électrique. Mais là, ils ont fait un jeu de laser. Hey, c'est pas 95, je vais essayer de faire. Non, c'est 82. Je pense que... 13. C'était avant, ça. Ah. Pas de problème. Là, il perd sa main, il se fait dévorer. Et voilà. C'est un rire sincère, mesdames et messieurs. Venez aux Roquettes lundi soir. On est quoi aujourd'hui? On est le 28. Venez en ce lundi soir, 28 janvier 2008, et vous allez bien sûr pouvoir voir. Ah, ça, apprécie les décors, c'est des John Deere dans un désert. C'est... En tout cas, ben Bruno, s'il te plaît. Ouais, OK, go. Ben j'ai juste trouvé cette affaire-là sur Internet, je trouve ça bien le fun. Un homme a posé sa candidature sur Internet pour ce qui semble être son travail de rêve. L'annonce, je vous donne des extraits de l'annonce. « Je me propose comme candidat au poste de chat de compagnie pour quiconque souhaite me posséder. J'offrirai tous les services d'un chat en échange de ma nourriture, mon loyer et incidents imprévus. » Je suis excellent pour me reposer, m'asseoir dans la maison, ce genre de choses. Ma passion, c'est de faire des siestes et ma qualification dans ce champ d'expertise est impeccable. Et ça continue comme ça. Ouais, dans le fond, c'est le rêve de toutes les femmes célibataires, un chat tranquille et propre. Ben ouais, c'est ça. Un autre, ok. Attends un petit peu, je suis pas vraiment pour que son hôtel ressorte du lot, Dusan Zabunovic, un hôtelier de Bellegarde, a décidé de donner à chacune des chambres de son hôtel un thème étrange, leader présent et d'antan. Chaque chambre de l'hôtel Monsieur Président est construite pour l'un de ses leaders. les chambres Bush, Thatcher, Castro, Staline et la plus populaire, la 501. Hitler. Hitler, ouais, qui est surtout occupé par des Allemands, des Croates et des Slovènes. Des Slovènes. C'est quoi? C'est qu'il décore ça avec les couleurs de l'époque. Ouais, avec des artefacts, des objets qui venaient de ces époques-là. Des posters de, puis des images de. Ouais, c'est une super bonne idée, ouais. C'est pareil. C'est comme proactif. C'est un musée qui sert à quelque chose. Ouais. Aïe, aïe. Fait que. Et toi, zombie, raconte-nous donc la fois où ta mère te fait honte à Coatico. Et toi, Tommy, raconte-nous donc la fois où on marchait en deux parties et que tu te vomis. Ah, ça, c'était beau. C'était bien sûr le soir du jour de l'an. On est allé chez Maude, ma collègue, et puis on retournait chez Benoît, un autre collègue, dans un autre sens. Et puis, finalement, il fallait que ça sorte, mais c'était pas le fun qu'il fallait qu'il arrête. Et toi, Bruno, raconte-nous donc la fois où il y a une fille qui est rentrée sans pantalon chez vous, qui s'est couchée sur la table, puis vous avez appelé la police. Ben, c'est ça, là, il y a une fille qui est arrivée chez nous, pas de pantalon, puis elle s'est couchée sur la table, puis on a appelé la police. C'est vrai, c'est arrivé. Fait que t'as comme pas d'autres informations par rapport à ça. C'était à peu près ça. T'as la connaissais pas? Non. Elle avait pas de pantalon? Non. Puis c'était une fille? Oui. Puis vous avez appelé la police? Elle était couchée où? Sur la table. Aïe, là, on va écouter. Je pense qu'on a donné toutes les informations. Toutes les informations pertinentes. On va écouter parce que je l'avais promis, là, cette semaine, on n'a pas d'invité super extraordinaire, là, dans le sens que Zombie est un habitué. Son odeur fétide règne toujours dans les studios chez Choc. Et puis, ben, Bruno s'est rendu notre lecteur de nouvelles plus que semi-officiel. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de sauf Batman se marie. C'est cette semaine que je vais faire passer les premières parties de Batman se marie, qui est en fait, c'est un vrai vinyle. Demandez-moi le plus, c'est pour vrai. C'est sérieux. C'est du monde dans la vie qui ont décidé de faire un vrai vinyle qui raconte un vrai radio-roman, des vraies aventures de ce qu'eux autres pensaient qui était la vraie vie du vrai Batman dans les années 60 au Québec. Donc, est-ce qu'on a compris? Ouais. OK. Ouais. Bon, voilà. Fait que c'est-tu vrai ça ou tu t'inventes ça, là? On va écouter ça. Merci, on va revenir à 70%. Bien que sa vie de chasseur de criminels soit plutôt sans romance, Batman ne s'est jamais permis de penser au mariage. Car il sait bien, hélas, que le mariage lui apportera beaucoup trop de problèmes. Mais soudain, la chose arrive. Et Batman se marie. Oui, oui, Batman épouse la charmante Cathy Kane, autre chasseur de criminels déguisé. Autrement dit, Batwoman. Comment la chose est-elle arrivée? Tout ça vous est révélé au cours de la surprenante nouvelle aventure de Batman. Batman épouse Batwoman. Maison de Bruce Wayne, Dick Grayson regarde son gardien en train de revêtir des vêtements autres que ceux de Batman. Bruce, quelle revêtu ce soir? Ah, tu m'as certainement vu en tenue de gala avant aujourd'hui, Dick. Ce soir, je vais en soirée. J'ai rendez-vous avec la si jolie Cathy Kane. Cathy? Mais tu as toujours dit qu'elle t'ennuyait en voulant toujours se mêler de nos affaires, déguisée en Batwoman. Oui, oui, c'est vrai, mais Cathy est une charmante enfant. Et on pardonne tout aux charmants enfants. J'espère qu'elle aimera ce bouquet de fleurs. Je pourrais veiller très tard, Dick. Ne m'attends pas. Après avoir vu partir Bruce, impeccable dans son habit du soir, Dick seul dans le grand boudoir, allongé dans un grand fauteuil, devient tout à coup très songeur. Bruce sent pas mal les prix de Cathy. Diable, s'il fallait qu'il tombe en amour et veuille l'épouser. Qu'est-ce qu'il arriverait à notre association? Imaginez un peu. Bruce Wayne marié à Cathy Kane. Mais ça ne peut pas arriver. Et le temps passe. Puis soudain... Dick, réveille-toi, nous avons quelque chose à te dire. Hein, quoi? Bruce? Cathy? Dick, j'ai finalement fait comprendre à Bruce comme il était seul dans la vie et il m'a proposé le mariage. Et puisque Cathy a dit oui, nous n'avons pas voulu perdre une minute. Nous nous sommes mariés ce soir. Nous avons voulu que tu sois le premier à le savoir. Vous êtes marié? Réellement marié? Oui, Dick. Regarde mon alliance. C'est vrai. Vous êtes marié? Mais qu'est-ce qu'il va arriver de moi? Je veux dire de nous. Oh, Dick, À partir d'aujourd'hui, je serai comme une mère pour toi. Oh, comme tout ça est excitant. Chérie, je voudrais monter et placer mes choses. Certainement, chérie. Je te rejoins dans quelques minutes. Écoute, Dick. Bruce, comment tu pues? C'est elle qui tu es? C'est elle que tu es réellement Batman? Pas encore, non. Je vais lui cacher ça pour quelque temps. Car je veux qu'elle s'habitue à l'idée qu'elle n'est que Madame Bruce Wayne avant de lui dire qu'elle est aussi Madame Batman. Le soir suivant, alors que Cathy, Bruce et Dick sont à prendre leur dîner, la sonnerie du Batman se fait entendre. Un autre appel de secours pour Batman et Robin. Alors Batman s'étant servi d'un autre appareil, revient à la salle à manger. Cathy, je suis réellement désolé, c'était l'un de mes associés qui veut que je le rencontre sans délai. Quelque chose d'urgent nécessite ma présence. Toi, Dick, tu viens avec moi. Très bien. Oh, est-ce que ce sera long, chérie? Probablement pas. De toute manière, je saurai t'avertir si c'est pour être long. Se déguisant rapidement, Batman et Robin se dirigent en vitesse vers l'aéroport de la ville où un vol est en train de se commettre. Pendant ce temps, laissée seule dans sa grande maison, Cathy s'ennuie, s'inquiète, marche de long en large, s'arrête devant la fenêtre. Oh, toute seule, toute seule. Je serais peut-être mieux de sortir, moi aussi. Ah, dans le ciel, c'est le Bat-signal qui appelle Batman. Je crois bien que je vais sortir, moi aussi. Par chance que j'ai apporté mon déguisement de Batwoman, je vais aider Batman et je reviendrai avant le retour de Bruce. Et ainsi, deux rapides véhicules se dirigent vers la scène d'un autre crime. L'un avec un bicycle moteur, conduit par une fille très hardie. N'est-ce pas que Bruce serait surpris s'il savait qu'il a épousé Batwoman? L'autre, le fameux Batmobile conduit par Batman. N'est-ce pas que Cathy serait surprise si elle savait qu'elle a épousé Batman? Hein, Robin? Batman et Robin, bien en avance, arrivent sur la scène du crime où les bandits ont déjà vidé de son contenu le coffre-fort de l'aéroport. Les voilà, Robin. Attrapons-les. Hey, c'est Batman et Robin. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Robin, empoigne celui-là. Mais il y en a trois autres. Comment vas-tu faire? Cette corde de ma ceinture d'utilité, j'ai pu réussir à l'enrouler autour d'une des poutres du plafond. Hein, voilà, j'ai réussi. Maintenant, en me balançant de ce côté, j'attrape un de mes pieds et de un. Puis, me balançant de l'autre côté, je frappe l'autre et de deux. Comme Robin a réussi à maîtriser le sien, il n'en reste plus qu'un. Il ne mourra jamais, Batman. Attention, Batman. Il a un pistolet. Je vais prendre soin de toi, voyou. Hey, hey, mon bras. C'est Batwoman. Elle est venue par le puits de lumière. Surpris, Batman. J'ai entendu l'appel de la police sur les ondes courtes. La même chose que toi. La donnée, Cathy. Elle n'a pas pu résister à venir, déguisant Batwoman. Où est-elle partie, Batman? Elle a pris la poudre d'escampette. Regarde par la fenêtre. Je crois qu'elle veut retourner à la maison avant que Bruce revienne. Viens, Robin, nous allons prendre un raccourci. J'ai l'intention de faire une surprise à ma jolie femme. Un peu plus tard, après que Batwoman fut entrée à la maison des Wayne... Batman et Robin, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens d'avoir une conversation avec votre mari. Il lui a dévoilé qui vous étiez. Non, mais... Votre mari veut vous parler en bas. Venez par ici. Comment? À travers cette horloge grand-père? Quelle étrange entrée pour un sous-bossement. Après être descendu, Batwoman, estomaquée, se voit dans une sombre caverne de pierre noire, remplie d'étranges appareils. Quoi? Mais c'est la Batcave. Et si la Batcave est en dessous de la maison de Bruce Wayne, cela veut dire... Oui, Cathy, je suis Bruce Wayne. Oh, chérie, Batman est mon mari. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Oui, Cathy, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, Cathy. En te révélant mon identité, j'espère que tu vas comprendre pourquoi je ne peux risquer ta vie et la mienne. À partir de maintenant, Cathy, Batwoman devra se contenter d'être que Madame Bruce Wayne, une femme de maison bien ordinaire. Le soir suivant, le Bat-signal réclame encore l'aide de Batman et Robin. Comme notre dynamique duo s'apprête à partir, ils sont surpris par Cathy. Attendez-moi, je serai prête dans 5 minutes. Écoute, Cathy, je suis le chasseur de crime dans cette famille. Et la place d'une femme est dans la maison. La place d'une femme est avec son mari. Écoute, Cathy, supposons que tu sois démasquée et reconnue comme la femme de Bruce Wayne. Tout le monde de la paix connaîtra alors ma véritable identité. Et toute ma carrière sera brisée. Allons donc, chérie. Ceci ne pourra jamais nous arriver. Peut-être, mais pour être certain que cela n'arrive, j'ai bien caché ton unique costume. Cathy, tu restes ici. Dick, suis-moi. Fabuleux. Ça, c'était pas fini, hein? Non. On va avoir bien sûr la suite un petit peu plus tard. Peut-être dans l'émission, peut-être un autre soir. Ça va dépendre. Ça serait important. Ouais. Peut-être dans l'émission, dans ce cas. Ouais. Pour l'instant, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je sais pas, man. Ah, on s'en va écouter la toune de Manolo, hein? Ah oui. Hein? Oui, c'est la toune de Manolo pour vrai, en plus, là. Ouais, comment il s'appelle déjà? Maxime Desbiens, quelque chose. Donc, famille composée. Ouais. On espère l'avoir à l'émission, bien sûr, prochainement, parce qu'il est aux roquettes des fois pour les visionnaires. J'ai déjà allé dans un camp de jour avec ce gars-là. Ah, ben, toi. Ouais. Trois-Rivières. Oh. Okay. Ça t'intéresse même pas de le savoir. Ah, oui. Oui, ça l'intéresse. Bon. En tout cas, on va écouter la toune. C'est écrit par Marc Drouin. Marc Drouin, qui est quand même un génie de la musique underground québécoise. Il a fait tellement d'affaires. Il a écrit Salade de fruits. Pour ceux qui connaissent Salade de fruits, Je vis ma vinaigrette. As-tu du feu? Non, j'ai du beurre de peanut. Après l'école. Toutes des affaires logiques comme ça. Donc, on va écouter ici, c'est Je suis juste un homme, chanté par notre ami Manolo Maxime Machin. Il était dans l'autre film. Où est-ce qu'il embrassait sa sœur? Il embrassait. Oui, j'en avais parlé. On en avait parlé, justement. Sa momie, hein. On écoute ça. C'est insupportable! Ben, on sait pas, on l'a pas écouté encore. Juste un homme qui laisse traîner ses jeans sur le plancher de la chambre, qui en sortant de la gym se prend pour Jungle Jim. Je suis juste un homme qui va chercher son pain et sa bouteille de vin, qui se fait des spaghettis tout seul un beau samedi. Je suis juste un homme qui essaie de comprendre ce que lui dit le vent. Je suis juste un homme comme les autres, qui respire comme il ment. Je suis juste un homme à consoler, un homme à cajoler. Je suis juste un homme, je t'ai pas trompé. Je me suis trompé. Je suis juste un homme qui trouve que les signes sont tellement beaux quand ils glissent en silence comme des paquebots sur l'eau. Je suis juste un homme avec ses rêves d'enfant, ses désespoirs d'adolescent. Juste un homme qui a peur quand un ami se meurt et qui s'en va pleurer sous la pluie pour qu'on croie que c'est pas lui. Je suis juste un homme, un homme à consoler, un homme à cajoler. Je suis juste un homme, je t'ai pas trompé. Je me suis trompé. Je suis juste un homme. Quand il se met à faire froid, qu'il pleut à si haut et que les terrains sont détrempés, quand les sentiers bassus ne sont accessibles qu'aux plus intrépides et que les pistes en sous-bois ne permettent l'accès qu'aux 4x4, c'est sûr qu'il y en a qui préfèrent rester en dedans. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent rester à l'abri. Il y en a qui préfèrent rester bien au chaud. Il y en a d'autres, des hommes, des vrais, qui sentent la pelle et qui boivent la bière. Pas d'oiseau. Ici Claude Knight, impresario de Réal V. Benoît. Mais qu'est-ce qu'on écoute? On écoute 70% à Choc FM. On fait ça certain, puis pour l'instant, on va aller écouter des séquences de Carnosaur encore à Choc FM. Merci Claude Knight. Restaurant Jay, Climax, Nevada, cellule contaminée, hey, 62%, heure H-11. Il n'y a pas le feu, Slim. Salut, beauté. Là, voilà ta sauce. Et comment va ton cholestérol? Ah, très bien. Dis donc, Doc, il paraît que le gosse que tu as trouvé était éventré comme une dinde de Noël. Comme une dinde prête à farcir, ce serait un malade mental à tendance cannibale qui aurait fait le travail. Ouais, t'as pas vu trop de films de terreur à la sauce hémoglobine? Vous comprenez, c'est qu'il peut pas avoir des adolescents sous et horny qui disparaissent sans que le village autour duquel ça se passe en parle. Là, ce qu'on est, c'est dans la cafétéria où on dirait que c'est la seule vie sociale de l'endroit. Toi qui es si futé, tu crois que les humains se tapent les yeux leur proie au dessert? C'est pas les yeux qui intéressent ce genre de prédateurs. Les oiseaux en sont plus friands. Ouais. Les goélands, les corbeaux ou les vautours. Mais pas ce genre de prédateurs. Ok, c'est le genre de mélange entre un oiseau et un reptile. Je te l'envoie tout de suite. C'est voilà, pas tu vois, mal. Les gosses n'ont pas été attaqués ou bien c'est des corbeaux qui ont mangé les yeux. Les orbites en aspirant. Après qu'ils aillent morts. Excusez-moi. Ou non, c'est vraiment. Ok, c'est vraiment pour ça qu'ils nous disent ça. Vous comprenez? Ok, c'est pas, j'essayais d'user de logique. Faut pas rigoler avec ça. Tenez, j'ai connu une femme, Fred Fischer, dans le comté voisin. Ça ne tarde pas longtemps. Elle était enceinte dans son 8e mois en pleine saison de chasse. Et son mari ne pouvait pas s'empêcher de parler du chevreuil qu'il venait de tirer. C'était dingue. Il en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il racontait tous les détails. Et que s'est-il passé? Elle a accouché d'un garçon, un magnifique petit garçon. Il était mignon, en excellente santé avec ça. Il n'y avait qu'un petit problème. Il avait des petits bois qui commençaient à lui pousser sur la tête. Le mari l'a jamais pu chasser. Et voilà quelques zombies qui auraient bien aimé ça pouvoir les chasser eux, sûrement. Hey, non, mais moi, je pense que je vais en remettre une autre petite séquence, hein, 36-25. Beaucoup, beaucoup de jus ce soir, je pense. C'est pas un film, c'est pas un grand film d'effets spéciaux, c'est pas un grand classique non plus du douteux, je pense, mais ça va faire plaisir à tous les fans de films d'horreur parce qu'on les délaisse un petit peu des fois, hein, ouais. Ce genre d'affaires-là. Puis moi, j'ai beaucoup commencé avec les films d'horreur jadis. Tous ces gens sont morts de la même façon. Le médecin enquête suite au meurtre. Tout comme le camionneur d'ailleurs et comme les gosses. Et voilà. Ces dans chacune de ces morts, la victime les a été gosses. Clouée au sol et éventrée ensuite. Et ils étaient encore en vie? C'est bien possible, oui. Je rappelle qu'on est en BDN. Pour rien. Pour rien. De plus, si dans chacun des cas, ce sont les mêmes blessures raison. Que l'on retrouve. Enfin, si c'est la même partie du corps qui est déchirée, si ce sont les mêmes organes qui ont été dévorés, si c'est la même façon d'attaquer, enfin bref, s'il semble qu'il s'agit du même animal, il apparaît aussi que dans chaque nouvelle agression, les blessures sont plus profondes. Le camionneur a été tué avec des petites griffes d'environ 7,5 cm. Celles qui ont tué les petits jeunes sont plus longues, entre 15 et 17 cm. Quant à ces derniers... Mon Dieu. Mon Dieu. On dirait qu'ils ont été tués à l'aide d'une faux. Vous, qu'en pensez-vous? Ou il y en a plusieurs. Ou alors il grandit. Il grandit très vite. Qu'est-ce qui est le plus épeurant? Et puis, ouais, c'est ça, il faut décider ensuite. Sapristi. Hey, je pense que je vais en mettre un autre gros bout, là. Un bon 3 minutes vraiment juteux, là. Parce que on va commencer tranquillement. à comprendre encore une fois le mieux le personnage totalement facultatif de la méchante scientifique qui mène des expériences totalement ignobles. Parce que là, dans le fond, elle a répandu, là je vous l'explique comme ça parce que ça va mieux là, pour avoir vu le film deux trois fois, elle a répandu une espèce de pesticide partout qui fait que les femmes commencent à pondre des œufs. Puis ça, c'est en mélangeant de l'ADN de lézard à de l'ADN de poule, puis après ça, de l'avoir mélangé dans le pesticide pour convertir les femelles de l'espèce humaine. Donc là, on suit tous. Et puis là, ben, c'est sa collègue de travail, là, son aide scientifique là, qui se plaint d'avoir des maux au ventre. Votre langue un petit instant. Oui, madame. Là, ben, elle se fait expérimenter, en tout cas, elle se fait tester. Je sais pas. Sculpter. C'est ça. Sculpter. Ça, je suppose que c'est un bruit d'hôpital, l'affaire en arrière. C'est là. Ça, oui. Ah, okay. C'est vraiment être assis sur une chaise. Nous sommes dans les temps. Tout le monde est en sarreau. Il y a beaucoup de lumière. Il y a de l'écho dans toutes les pièces hein, ça dans ce film-là. Vous avez ouais. À peine un peu plus que la normale. Ouais. Dites-moi, comment vous vous sentez maintenant? J'ai peur que ce ne soit encore pire. Je vais m'occuper de vous. D'abord, je vais vous faire allonger ici un instant. Docteur, j'ai tellement froid. Je suis glacée. Je sais, ce n'est qu'un simple refroidissement. Ben non, elle est nous allons vous couvrir avec une bonne couverture. Venez, asseyez-vous. Je vais mettre le bruit en background. Es-tu capable de lire une nouvelle pendant qu'on déduit totalement ce qui est en train d'arriver? Ok, c'est bon. Vu que tu l'expliquais avant. Ouais, c'est ça. Ok, alors... selon Stagecoach, qui vient de publier un guide étape par étape pour prendre l'autobus, une grande partie de la population de Grande-Bretagne est tellement habituée de prendre leur auto qu'ils ont peur de l'autobus. Ils ont donc publié l'ouvrage Using the Bus, qui offre les informations les plus basiques possibles. Le guide commence sur ces mots. Prendre l'autobus ne pourrait être plus facile. On peut ensuite y lire, premièrement, décidez quel autobus vous voulez prendre. Puis, attendez que l'autobus soit arrêté et que les portes soient ouvertes avant de monter. Et pour ceux qui s'inquiètent, là, il y a aussi un guide pour descendre de descendre l'autobus. Merci. Ouais. Et peut-être pendant la ride, je ah, sais pas. Oui. Ah oui, il y a même... sentez-vous à l'aise de vous asseoir sur un siège mis à votre disposition. C'est pas obligé de rester debout. Comment là. On fait pour s'asseoir, déjà? Je le meilleur truc, c'est de plier les genoux. Ah, yes, merci, Londres. Ça m'a c'est quand même une campagne publicitaire assez gigantesque. Ouais. Pendant ce temps-là, la fille a commencé à accoucher. Poussez. On rappelle, elle avait un malaise. Et puis là, elle vient d'exécuter. Elle travaille là-dessus. Là. Respirez. Poussez. Où se respire? Est-ce que l'œuf a pété? Je sais pas trop, même. Ça a l'air jeté. Oh, zombie qui a faim encore une fois. On va aller se taper du sucré zombie tantôt, je pense. Oh, nom de Dieu. Un bon œuf. Et voilà, ça crée un nouveau lézard qui est un carnosaure qui va bien sûr bientôt prendre la place de la race humaine. N'importe quoi. Hey, moi, je pense que je vais mettre une toune. On n'a pas eu tant que ça, à soir. C'est un bout qu'on n'avait plus, d'ailleurs. Ben, une fois de temps en temps. Ouais, ben là, il y avait l'interview avec Réal. Ben, oui, puis on a tellement de choses à dire. Puis à faire, moi, j'ai trouvé la toune de Marin Jahan. J'aurais aimé ça de l'avoir en français parce que je me rappelais de cette toune-là en français. C'est la toune de Flash Beagle. Ça vient d'un vieux dessin animé de Snoopy. Oh oui, c'est Flash, Flash, Flash, Flash, Flash Beagle. Mais là, en tout cas, on va écouter la vraie toune chantée par l'original. On est vraiment quelque chose à 70%. Ouais. Merci Zombie de ce commentaire éclairé. Moi aussi j'ai faim, t'inquiète. Dans un studio de prise de vue, désert à cette heure, dans un endroit où se balance un vieux bateau de pirates, un crime est en train de se commettre. Plusieurs ombres se glissent sans bruit le long des murs. Hey, boss! Tu es certain qu'on peut trouver du vrai argent et de vrais bijoux ici? Ben, je te l'ai dit. J'ai lu qu'ils n'utiliseront que des choses réelles de ce film. Il y a à peu près plus d'1 million de valeurs que l'on garde dans un coffre-fort au bout du studio. C'est bien fermé tous les soirs, mais... pour nous, ça sera l'affaire de rien. Pas vrai pour l'ouvrir, hein? Et vous, vous serez une affaire de rien pour nous autres. Attention, attention! Batman et Robin sont au-dessus de nous! Vite, traversons le pont du bateau et fuyons! Robin, plongeons sur eux en se servant de la planche qui sert de passerelle comme tremplin. Voici une planche de bateau de pirates qui aurait servi à quelque chose de bon. Attention, Robin! Ils ont pris les épées des pirates qui se trouvaient dans l'arsenal. Tiens-toi pour une brève. Tu n'as pas l'estomac solide. Ça prie qui? On peut même apercevoir Barbe Noire, le pirate. Pas Barbe Noire, Batwoman. Quoi? Batwoman? Oui, chérie. Et dans un de tes costumes que j'ai réussi à arranger à ma taille. Bien qu'il soit trop grand ici et trop serré là. Reste en dehors de tout ça. Robin et moi pouvons revenir à bout sans toi. Voyons, chérie. Pourquoi ne pas t'aider puisque je suis ici? Batman, l'un des bandits s'est sauvé. Regarde, il a fait partir la souffleuse. Venez, les gars, je le tiens à rester avec mon pistolet. Oh, cette machine aspire mon costume morceau par morceau. Au moment, il est disparu. Hé, hey, regardez, les gars, Batwoman s'en marche. C'est capitaine. Il n'a peut-être pas du bout des bouts, oui. En dehors de tout ça, Robin et moi pouvons revenir à bout sans toi. Voyons, chérie. Pourquoi ne pas t'aider puisque je suis ici? Batman, l'un des bandits s'est sauvé. Regarde, il a fait partir la souffleuse. Venez, les gars, je le tiens à rester avec mon pistolet. Oh, cette machine aspire mon costume morceau par morceau. Au moment, il est disparu. Hé, hey, regardez, les gars, Batwoman s'en masse. C'est capitaine. Il n'a peut-être pas du coup du Bruce Wayne. Et elle a appelé Batman chérie. Ce qui veut dire que Batman et Bruce Wayne ne sont qu'un. Allons, les gars, fichons le camp. Allons répandre la nouvelle au plus vite. Oh, chérie, j'ai tellement de peine. Cathy, regardez ce que vous avez fait. Exactement comme Bruce avait prédit. Vous avez brisé la carrière de Batman. Non, non, non! Il est fini, Cathy. C'est de votre faute. Batman et Robin sont complètement lavés à cause de vous. Parce que vous n'avez pas voulu entendre raison. C'est de votre faute, c'est de votre faute. Arrête, arrête, Robin. Les accusations ne rapporteront rien. Arrête, arrête, m'entends-tu? M'entends-tu? Allons, Dick, réveille-toi. Allons, Dick, réveille-toi. Hein, quoi? Bruce? Joli spectacle au retour de ma soirée. Au lieu de te trouver dormant dans ton lit, je te trouve assoupi dans un fauteuil. Comme ça? Tout ça, ça n'est pas arrivé. Tu n'as pas épousé Cathy. C'est donc un rêve. Quoi? Moi, épouser Cathy? C'est bien que je ne peux pas me marier. Mais peut-être, un jour, épouser Cathy. C'est une bien charmante fille. Et c'est une excellente idée. Bien. Qui sait? Qui sait? Mon Dieu, es-tu sérieux? S'il fallait que tu maries Cathy un jour... et que mon cauchemar se réalise. Ah non, ça perd les papettes. Plusieurs méchants et criminels ont tout fait et tout essayé afin de découvrir la véritable identité de Batman. Mais il s'en fallut de peu que l'enthousiasme d'un jeune garçon, trop rempli de bon vouloir de bien faire, ne parviennent à faire ce que tous les méchants de la pègre n'ont jamais réussi jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire démasquer Batman. Et Bruce Wayne doit faire face à toutes sortes de troubles juvéniles alors que s'amorce l'aventure intitulée « Le faux Robin, l'invincible ». Alors, ce soir-là, Batman et Robin, revenant d'une mission bien remplie contre le mal et la pègre, en approchant de l'entrée secrète de la sombre Batcave, Batman ne peut s'empêcher de féliciter Robin. Tu as très bien marché ce soir, Robin. Mais si tu n'étais pas arrivé à temps pour maîtriser le gorille, c'était la fin pour moi. Oui, mais c'est bien de valeur que le gorille ait réussi à s'enfuir. Eh bien, nous sommes arrivés à l'entrée secrète. Je vais ouvrir la porte avec le contrôle magnétique de ma ceinture. Puis y voilà, Robin. Laisse, je vais tourner le commutateur. Ah, ça va faire du bien de retirer ses vêtements. J'espère qu'Alfred a préparé de la nourriture pour nous. Car toutes ces aventures ont aiguisé ma faim. Dis donc, Robin, tu n'as pas encore commencé à te divertir. Qu'est-ce qui te retient? Tu n'as même pas encore enlevé ton masque. C'est une petite surprise que je te prépare. Tiens maintenant, regarde, Batman. Mais, tu n'as même pas encore enlevé ton masque. C'est une petite surprise que je te prépare. Tiens maintenant, regarde Batman. Mais, tu n'es pas Robin. Tu veux dire que je ne suis pas Dick Grayson, le vrai Robin? Mais c'est une folie. Tu es un imposteur. Dis qui tu es. Et où as-tu pris ce vêtement? Tout doux. Laisse mon bras. Robin, c'est-à-dire Dick Grayson, a été blessé dans une bataille avec les hommes du gorille. Et il est venu se réfugier chez moi pour demander à l'aide et me demander de le remplacer en revêtant son costume. Tu peux m'appeler Freddy. Quoi? Mais jamais, Robin aurait. Tiens, Alfred. Bonsoir. Je vous apporte à souper à vous et à M. Dick. Mais juste ciel, ce n'est pas Robin. Vous n'êtes pas plus surpris que je ne le suis, Alfred? Maintenant, dis-nous la vérité, Freddy. Ou qui que tu sois. Tu dis la vérité. Mon nom est Fred Lloyd. Je suis le fils de Hank Lloyd, le grand champion olympique. Depuis l'âge de 5 ans, mon père m'a entraîné dans tout ce qui concerne l'athlétisme, la course, le saut, le vire-vol et tout genre de jeu aérien. Vous voyez, il était fatal que Robin vienne se réfugier chez moi. Car je suis probablement le seul garçon capable de le remplacer. Oh, M. Wayne, c'est le Bad Fun. Je n'ai plus le temps de discuter. Attends ici jusqu'à ce que je revienne, Freddy. Attends, mon œil, OK? J'étais assez bon pour capturer le gorille. Je suis encore assez bon pour aller avec toi. Oh non, tu ne viens pas. Écoute, Bruce Wayne, je connais ta véritable identité maintenant. Ou bien je travaille avec toi, ou je dis au monde entier qui tu es en vérité. Juste ciel, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a rien que je puisse faire, Alfred. C'est du chantage. Je suis obligé de m'y soumettre. Très bien, Freddy. Montre dans le Batmobile et attends-moi pendant que j'appelle la police et Alfred. Viens avec moi. Placé devant un tel ultimatum, Batman ne peut prendre le risque de voir son grand secret dévoilé. Se rendra-t-il au volant de son Batmobile, accompagné du Corbet, et sera à toute vitesse sur la scène du crime, au grand parc d'amusement. Batman, nous avons le gorille pris au piège dans la chambre au miroir. Je pense que tranquillement, on arrive à notre limite de Batman. Ça nous a quand même bien fait rire. Je vais sûrement essayer de passer la sixième partie. J'aimerais rappeler aux gens la base où ce que le méchant part la suppleuse. Et j'aimerais aussi rappeler aux gens, à nos auditeurs, la passe sur ce qu'il faut que Robin enlève son linge. Ouais. Tu n'as pas encore commencé à te dévêtir. C'est de toute beauté. Ça, Bruno, une nouvelle avant que je parle. J'ai écrit un petit texte sur le film qu'on va écouter. Ça va être beau. Okay. Oh, yeah. OK, alors Léo Hill, 81 ans, a remarqué récemment que les rouleaux de papier de toilette duraient moins longtemps qu'avant. Donc, vu qu'il avait beaucoup de temps à perdre, il a décidé de compter le nombre de feuilles dans chaque rouleau pour savoir si le nombre de feuilles annoncé sur le paquet correspondait au nombre de feuilles réelles dans le rouleau. Hey, c'est noble, ça. Eh bien, il a commencé par un qui était de 15 feuilles short. OK. Fait qu'il s'est dit que pour prouver son point, il fallait qu'il fasse tout. Ben, dans un paquet qui annonçait 498 feuilles par rouleau, le rouleau moyen contenait, attention, 156,75 feuilles. En tout cas, je trouve ça scandalisant. Je suis outré. Hey, merci Bruno. Ouais. Merci surtout monsieur, rappelons son nom. Oui, c'est Léo Hill. Oui, j'avoue. 81 ans quand même. C'est une croisade. Il est encore là pour les vraies valeurs. Ouais. Bientôt il va être un Don Quichotte des temps modernes. Léo Hill. Sérieux, c'est vraiment outrant, même si le pauvre monsieur avait du temps à perdre puis qu'il n'est pas très pertinent, mais c'est vraiment outrant qu'on se fasse fourrer de même par du monde qui nous torche. Oui. Oui, c'est on s'est fourré par en arrière. Ben, là, en tout cas. Hein? Pour 30 feuilles, là, par rouleau, j'avoue que ça devient considérable quand t'en achètes des paquets de 10. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'achète tout le temps un 24, fait qu'il me manque un rouleau, à peu près. Ah, facile. Léo Hill. Ah, ouais. Pour premier ministre, man. Hey, ben, sinon, toi, t'as fini avec tes nouvelles. Ah, j'ai fini, moi. Ah, c'est tout pour la semaine. Ben, c'était fort. Ouais, c'était fort. J'ai eu envie de te faire mal plusieurs fois. Vraiment une chance qu'une vitre. Donc, moi, je vais parler encore de Carnosaur. Outre l'effet énoncé plus tôt, c'est l'aspect rien de nouveau sous quelconque soleil que ce soit qui frappe dans Carnosaur. Des expériences secrètes menées par une scientifique que l'on s'effole depuis les premiers dialogues fait que des adolescents trop épicuriens qui mangent leurs gencives dès que leur péché de la chair et du vice nous sont exposés. Bien sûr, le shérif noir qui voit plus loin que les apparences enquête et découvre un industriel véreux qui exploite un site archéologique pour de douteuses façons. Là, on découvre un héros patibulaire qui s'impose comme débrouillard malgré son emploi de fond de zone comme gardien de John Deere dans le fin fond du désert. La babe, bien sûr, qui participe au groupe de révolte environnementale et puis qui veut défendre le site archéologique, découvre, bien sûr, l'amour auprès de ce gentil et doux waspisme qui survit au déchaînement de l'horreur et puis que tout finit dans le tout va bienisme. Ah, c'est pas important, ça. Cette semaine, plutôt que de voir des ninjas s'étriper dans des duels sans fin ou suivre les aventures des meilleurs en dernière mission au Vietnam, ce sont les amateurs d'horreur à rabais qui seront sans nul doute hautement satisfaits. Surtout lors de la 59e minute, quand le shérif noir, trop sympathique et bon père de famille, ben beaucoup trop sympathique et bon père de famille pour survivre, en fait, se ramasse en duel contre un des poulets gonflés aux hormones. On va maintenant écouter le justificatif à faire vomir de la méchante docteure qui a créé cette nouvelle race de monstres destinée à prendre la place de l'humanité au chemin de la chaîne, le Carnosaure. Sinon, ben, on va dire merci à tout le monde d'avoir écouté l'émission. Si on peut venir écouter le film aux roquettes, là, ce soir, là. C'est tout le temps comme ça, il devrait. Il y a de plus en plus de monde, amenez vos projectiles. Merci Bruno, aux zombies. Et puis Israël. Merci on Tommy, on t'aime. Ouais, on t'aime, Tommy. Sinon, on a lancé un concours dernièrement, hein. S'il y a une dame qui veut prendre notre bulletin de l'Union des artistes et inviter qui que ce soit à venir au show de radio, elle peut nous écrire à nos emails, là, aller voir sur le site de 70% sur Choc FM, la dernière. Ça y a une fille. Ben, ou quelqu'un, ouais. Non, non. Parce qu'au Québec, les gars et les filles, c'est différent. C'est différent, c'est vrai. C'est pas Israël qui l'a dit. Non. Voilà. On écoute donc la dernière séquence de, bien sûr, Carnosaure. On s'en va, nous, aux roquettes, vivre des aventures fabuleuses. Merci beaucoup. C'était 70%. On était à 70%. Ouais. Fort. Batman se marie. Yes. Quelle étrange entrée pour un subordonné. La Terre n'était pas faite pour nous. Elle a été créée pour les dinosaures. Elle est à l'échelle de leur dimension. Les êtres humains étaient que des fourmis qui grouillaient à leurs pieds. Alors vous voulez rendre notre planète aux dinosaures ? On peut le formuler ainsi. C'est génial, vraiment fabuleux. Un parc d'attractions immense. Vous allez dire que je suis curieux, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Jeune homme, essayez d'imaginer. Elle est grise, elle est affreuse et malade, cette planète. Recouverte des pauvres restes agonisants et putréfiés de la vie biologique telle que nous l'avons autrefois connue. J'ai activement travaillé à ce désastre dans l'industrie ou aux côtés du gouvernement. De quel droit détruisons-nous cette terre ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Débarrassez-moi de ça ! Sortez-le-moi ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est en train de me tuer ! Sortez-le-moi ! Coupez cette satanée radio ! S'il vous plaît, sortez-le-moi ! Sortez-le ! Sortez-le ! Qu'est-ce que c'est ? J'en ai aucune idée. J'ai mal ! Sortez-le ! Transformé de l'intérieur, technique génétique pour la substitution de pesticides. C'est la thèse de doctorat de Triptyme. Éliminer la femelle et le mâle est incapable de perpétuer l'espèce. C'est tellement ingénieux. Qui a-t-il eu en premier, l'œuf ou la poule ? C'est l'œuf, l'œuf cosmique. Je ne veux pas la fin du monde, seulement celle d'une espèce infidèle. La seule qui puisse penser, la seule qui puisse aimer, la seule qui puisse créer. L'humanité. Quand l'homme s'est-il montré bienveillant? Tout son potentiel pour le génie est compris dans son ADN. Et une infime partie mérite qu'on le conserve afin de le marier. De le marier. Je l'ai fait ici. Un nom de Dieu. Nom de Dieu. Dieu est un homonyme, D-I-E-U. Diversité interespèce utile. Avec son moteur interne de l'évolution, but illusoire de mes recherches. L'espèce humaine est la pire de toutes. L'être humain est une catastrophe. Il faut y mettre un terme. Et vous vous êtes porté volontaire pour ce job? Comme le disait mon mentor, le docteur Moreau, dans l'étude de la nature, il faut pouvoir se montrer aussi impitoyable que la nature elle-même. Ainsi donc, bonne nuit la brume, bonne nuit la lune, bonne nuit les bruits et bonne nuit la nuit. Lundi 28 janvier, vous écoutez l'épisode 27 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM.